ne vois pas danser, mais la marque des coups. Si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Bien heureux ceux qui sans avoir vu ont cru. Jésus ressuscité. Bien heureux ceux qui croiront de même sans avoir vu. Jésus ressuscité. Bienheureux ceux qui sans avoir vu ont cru. Jésus ressuscité. Bienheureux ceux qui croiront de même sans avoir vu. Jésus ressuscité. Cesse d'être incrédule et deviens homme de Dieu. Parce que tu m'as vu, tu crois. M'a dit Jésus, tu es le Christ, le Seigneur et le Dieu. Avance ton doigt ici et vois mes mains. Mon Seigneur et mon Dieu. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Mon Seigneur et mon Dieu. Avance ton doigt ici et vois. Mon Seigneur et mon Dieu. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Mon Seigneur et mon Dieu. Cesse d'être incrédule et deviens homme de Dieu. Parce que tu m'as vu, tu crois. Tout à coup Thomas m'a dit Jésus, tu es le Christ, le Seigneur et le Dieu. L'Esprit Saint.